LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Pendant 5 minutes. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans une position confortable sur vos chaises. Pendant 5 secondes. De fermer les yeux. Marque le début de l'inspiration. Et de vous laisser guider par la musique. Marque le début de l'expiration. Relaxez-vous. Inspirez. Le corps des salariés, mise en boîte. Tisane et naturopathie. Expirez. Rémi Dibowski-Douatte, Jean-Philippe Navarre. Inspirez. Ils veulent s'occuper du bien-être physique et mental de leurs salariés pour qu'ils soient au maximum de leurs possibilités en tant que producteurs, que professionnels. Daniel Linhart. On va leur proposer sociologue. Des séances de massage, s'ils ont des nœuds dans le dos, des séances de méditation pour vider un peu leur esprit s'il est trop encombré. On va leur proposer des distractions comme des jeux vidéo. On va leur proposer des séances de rire pour améliorer certaines substances chimiques dans l'organisme. On va leur proposer des viennoiseries parce que voilà, on va satisfaire leurs besoins de sucreries, etc. Donc c'est l'idée, on les veut au top, on les veut au maximum. C'était trop court? Oui, on est beaucoup plus calme. Une réunion importante, une négociation à faire avec un client ou quoi qu'est-ce, on est ensemble un petit peu nerveux, une cohérence cardiaque, tout de suite ça s'apaise, mais c'est pas non plus la formule magique. C'est-à-dire que si vous attendez d'être dans un stress extrême, la cohérence cardiaque va bien sûr venir apaiser, mais pas autant que si vous la pratiquez quotidiennement. Donc déjà essayez, une fois par jour, de la mettre en place et vous notez les effets. Alors on leur propose des bracelets qui vont calculer le nombre de pas qu'ils font dans la journée, le nombre d'heures de sommeil. On va leur proposer de l'aide pour arrêter de fumer, pour manger moins. Enfin voilà, il y a un besoin de la part de l'entreprise pour asseoir son emprise sur les salariés, de les convaincre que tout est conçu pour qu'ils se sentent du mieux possible et pour pallier tous les petits problèmes qu'ils auront. Par exemple, il y a des conciergeries qui font en sorte que les salariés puissent amener leur linge sale, le récupérer le soir pour pas avoir trop de problèmes domestiques. On leur prend des places de théâtre pour qu'ils n'aient pas à perdre du temps et à s'en occuper. On leur réserve des voitures à louer pour le week-end pour qu'ils puissent partir. C'est-à-dire que toute la vie domestique et tout ce qui peut toucher aux préoccupations dont les salariés sont porteurs vont être pris en charge par la direction qui veut montrer à quel point elle est dédiée à ses salariés. Et certains DRH, direction des ressources humaines, font carrément des déclarations d'amour aux salariés. On vous aime, on veut votre bien, donc on fera tout notre possible pour que vous vous sentiez bien. Valérie Vézidet, je suis la DRH de PwC pour la France et le Maghreb. C'est 6000 personnes en France et au Maghreb. Là, vous êtes au siège social. Et au siège social, on a un peu moins de 4000 salariés qui sont rattachés. Et dans nos métiers, donc on a un business qu'on appelle assurance, sur les métiers de l'audit et de la gestion des risques. On a nos métiers du conseil. On a nos métiers des transactions, c'est-à-dire fusion, acquisition, cession d'entreprise. Et on a un métier qui est avocat, métier d'avocat, conseil juridique et fiscal. Même s'il fait froid, on va quand même vous montrer l'espace qu'on a, parce que c'est, si on parle de santé, un avantage qu'on a, c'est d'avoir d'être dans des locaux qui sont très agréables, mais en plus, qui permet d'avoir un parc, ce qui fait qu'on sait qu'on peut pique-niquer dans le parc, déjeuner à l'extérieur et vraiment profiter des infrastructures externes. Et alors, évidemment, vous constaterez que on a mis en place des ping-pongs, on a un terrain de pétanque, enfin, on essaye quand même d'agrémenter les espaces extérieurs pour que, bon, on y déjeune, mais aussi on puisse faire un petit break, prendre l'air, et puis faire une petite activité physique et ludique surtout, parce que bon, on a une moyenne d'âge qui est assez jeune, hein, je dis pas que les moins jeunes n'aiment plus s'amuser, mais on a une moyenne d'âge d'environ 32 ans. On recrute environ 500-600 jeunes diplômés par an, 600 stagiaires et apprentis par an. Donc ça fait quand même une proportion de personnes qui sortent de l'école ou qui viennent de sortir de l'école qui est assez importante. Et donc l'effet un peu campus, il est agréable. Et vous pouvez aussi travailler. On a du wifi partout dans le parc, donc ça permet d'avoir un espace extérieur et de travailler à l'extérieur. Donc voilà, c'est aussi une salle de réunion et un open space individuel. Donc vous avez ces espaces-là avec, vous voyez, des petits espaces aquatiques avec des poissons et ce genre de choses. Voilà, ça. Visuellement, il est prouvé que ça a un effet sur la santé mentale, en fait, hein, d'être proche de la nature. Et ben là, avec cet espace-là, ça comble ce besoin et on en est évidemment content. Ces pratiques managériales contemporaines, elles relèvent de ce qu'on appelle le développement personnel, qui est un ensemble très hétérogène de pratiques, de discours, qui visent un accroissement de ses facultés psychiques, physiques, relationnelles, émotionnelles. Hélène Stevens. Qui participe de ce que Robert Castel appelait déjà dans les années 70 la diffusion d'une culture psychologique de masse. Sociologue. Et il se trouve que le monde du travail n'est pas épargné par cette diffusion, et voire même est un terreau assez fertile de la diffusion d'une culture psychologique, du bien-être. Et c'est pas du tout nouveau, parce qu'il y a une longue tradition de lien entre le management et la psychologie. Elle a d'abord été utilisée dans le monde du travail pour sélectionner, pour orienter des travailleurs sur des postes de travail. Et puis, très rapidement, et notamment avec un tournant important à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du plan Marshall, c'est des pratiques qui viennent des États-Unis, qui sont importées en France, et qui proviennent de ce qui s'appelle l'école des relations humaines, qui est un courant de psychologie sociale industrielle qui a découvert ce qui est alors appelé le facteur humain, c'est-à-dire le fait que prendre en considération des ouvriers, des salariés dans leur travail, montrer qu'on se préoccupe d'eux, conduit à augmenter la productivité. Donc se développe à partir des années 50 en France, d'abord pour les cadres, des formations pour les aider à intégrer des nouveaux modes de commandement qui serait moins autoritaire, mais qui ferait davantage appel à la coopération entre personnes, avec cette idée de concilier capitalisme et humanisme. La grande différence entre le paternalisme d'antan et la prise en charge du bonheur et du bien-être des salariés, c'est que c'est sur un mode extrêmement personnalisé, individualisé, que chacun est pris en charge. Alors là, il y a une modernisation du paternalisme. On va, au contraire de ce qui se passait avant, considérer non pas les salariés comme des collectifs qu'on va loger de la même manière dans des petits pavillons qui se ressemblent autour de l'entreprise. Au contraire, on va considérer chacun comme un individu, une individualité. Parce que l'idée, c'est effectivement d'extraire chacun des collectifs, parce que les collectifs sont considérés comme potentiellement très dangereux. Il y a toujours ce souvenir de mai 68 où des collectifs puissants ont pu déclencher une grève de 3 semaines avec occupation d'usines. Et donc les directions, le patronat à l'époque a pris conscience du fait qu'il fallait se débarrasser de ces collectifs où les salariés avaient le sentiment de partager un destin commun et développer des valeurs communes, et qu'il fallait faire la promotion de la personne, ce qui est une manière de renverser, d'inverser le rapport de force. Dans les années 80-90, les grandes entreprises vont mettre en place les principes inspirés du toyotisme. La production est organisée à partir de la demande des clients, et donc ça nécessite des entreprises, une réorganisation complète. Et cette demande de flexibilité, elle va se décliner jusqu'au niveau des salariés, au niveau individuel, à la fois dans les formes d'emploi qui sont proposées, puisque c'est aussi parallèlement le développement des emplois précaires, des emplois typiques, des CDD, du travail intérimaire, mais aussi dans la manière de, en fait, s'engager dans l'entreprise. C'est une période où le management fait appel à l'autonomie, à l'implication des salariés. Et pour ça, va tenter de justement jouer sur ce facteur humain en faisant appel à sa subjectivité, à sa satisfaction, à l'adhésion à des valeurs d'entreprise, en s'appuyant sur ses croyances, avec un changement aussi des formes de contrôle. c'est-à-dire qu'un contrôle hiérarchique très présent. Bon, tout ça est très allégé, puisqu'il faut alléger aussi les entreprises en termes de masse salariale. C'est la période où se massifient, en tout cas, toutes les politiques qui individualisent les rapports de travail, c'est-à-dire salaire individuel, plan individuel de formation, horaires variables, polyvalence, les entretiens individuels d'évaluation. Donc, on a toute cette logique d'individualisation et qui s'accentue dans les années 90, parce que là, on a à nouveau une transformation des structures du capitalisme. La taille des entreprises se réduit, on assiste à des grandes restructurations d'entreprises, des mouvements d'externalisation, de réduction du personnel, le recours à la sous-traitance. Et les entreprises cherchent à disposer de salariés plus mobiles, plus autonomes. C'est une période aussi de forte tension sur le marché du travail, avec un très fort niveau de chômage, du fait aussi de ces restructurations. On va demander aux individus d'entretenir leur fameuse employabilité, de savoir rebondir pour trouver un nouvel emploi, pour faire face à un licenciement, une fin de contrat. Donc, en fait, c'est cette période aussi où émerge la figure du travailleur comme entrepreneur de soi, qui se comporterait comme un travailleur indépendant en prenant lui-même en charge sa formation et puis qui naviguerait sur un marché du travail au gré de ses intérêts. Depuis la modernisation managériale, ce qui est géré, ce sont non pas des collectifs avec cette idée à travail égal, salaire égal, des promotions à l'ancienneté, mais au contraire, on gère des personnes, des individus. On a progressivement personnalisé, psychologisé la relation de chacun à son travail. Chacun au travail n'est plus le membre d'une communauté professionnelle ou d'un collectif de travailleurs, mais il est monsieur un tel ou madame un tel, qui a une relation directe avec sa hiérarchie et sa direction et qui veut être reconnu dans la qualité de son engagement, par sa résilience, par sa capacité d'inventivité, d'innovation, par sa loyauté aussi. Voilà. On sollicite l'ego de chacun, le narcissisme de chacun, ce qui le rend très vulnérable, ce chacun. Et on met chacun en concurrence avec les autres, mais avec soi-même aussi. Il faut toujours se dépasser, vu tout ce que fait la direction pour vous et toutes les conditions optimales qu'elle crée pour que vous le fassiez. Vous êtes naturellement incliné à relayer un peu cette philosophie et à essayer d'y trouver votre compte. Donc là, on a un salarié qui a l'air de faire du sport, une sorte de levée de poids ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez toute une rangée d'équipements sportifs indoor. On a lancé notre programme donc Be Well, Work Well il y a 4 ans environ. C'est un programme de well-being, mais vous voyez qu'il y a le mot travail à l'intérieur. On a voulu afficher en fait la chose suivante, c'est que on est persuadé qu'en fait la performance individuelle et collective, elle ne peut être là que si parallèlement on fait attention à son bien-être, à sa santé physique et mentale. Parce qu'en fait on considère que la santé, elle est source de performance individuelle et collective. Et donc dans ce programme, on a lancé un premier volet qui est autour de la santé par le sport. Et donc on a une application qui nous permet en fait de lancer des challenges, de faire de l'émulation entre équipes ou au sein de l'équipe. On a environ 1500 personnes qui utilisent l'application, ce qui est quand même un beau ratio hein, sur nos 5300 collaborateurs en France. Et chaque année, on organise des challenges sportifs entre équipes. Et là, on voit l'activité qui explose pour les déjà sportifs. Et on voit chaque année des gens qui se mettent à une activité sportive parce qu'ils veulent participer en fait au challenge. Et soit ils pérennisent leur activité, soit après ils arrêtent. Mais on sait que chaque fois, on en récupère quelques-uns qui pérennisent leur activité. Pour nous, la santé, c'est la santé physique, la santé mentale. On a également mis en place des dispositifs qui permettent, alors on appelle la santé émotionnelle, c'est-à-dire qui permettent de se libérer de sa charge mentale grâce à des systèmes de conciergerie, grâce à des systèmes de place en crèche, de garde en urgence, permettent comme ça de psychologiquement s'alléger de façon à être plus disponible. Et tous ces cadrans-là de la santé qui forment Be Well, Work Well sont au service finalement de son énergie personnelle qu'on peut mettre au service de sa vie privée, mais au service de son employeur. Donc c'est en fait gagnant-gagnant, puisque évidemment quand on a des équipes qui sont pleines d'énergie, que ce soit physique ou mentale, on sait qu'on est plus performant. L'idée c'est d'enlever de la charge mentale pour travailler davantage. réalisez-vous à travers les défis que nous vous lançons, Daniel mais Linhart. Comment le faire dans un travail qui est organisé d'une façon qui reste taylorienne. Parce que si il y a une personnalisation, ce qui est contraire à la logique taylorienne, surhumanisation en quelque sorte, de l'autre côté, l'organisation même du travail reste profondément inspirée de cette philosophie taylorienne. C'est-à-dire que le travail est pensé et organisé par des experts qui prétendent, dans les grands cabinets de consultants internationaux, détenir tout ce corpus de savoir, de connaissances tellement complexes avec l'accélération temporelle et la mondialisation. Donc, eux sont considérés comme les détenteurs du savoir et ils vont organiser le travail de tous les professionnels, où qu'ils soient, dans quelque entreprise que ce soit, via des procédures, des protocoles, des process, des reportings, des bonnes pratiques qui sont imposées sur le terrain aux professionnels par la logique informatique binaire. Donc comment est-ce qu'on peut se réaliser, montrer qui on est, marquer de sa personnalité son travail à partir du moment où celui-ci est encastré dans une logique qui est pensée par d'autres et qui se traduit pour vous par un certain nombre de prescriptions extrêmement contraignantes. Voilà. Un certain nombre de cabinets, de conseils se sont développés. À l'origine, c'est une critique du taylorisme qui n'a pris en compte que les sciences de l'ingénieur pour penser le travail. Là, c'est l'idée de, on va faire appel aux sciences humaines et notamment à la psychologie. Gaëlle Châtelain-Berry, vous êtes consultant et conférencier, votre site internet vous présente comme manager bienveillant. Qu'est-ce que c'est exactement un manager bienveillant ? Alors, le management bienveillant, c'est un concept que j'ai créé il y a quelques années avec mon premier livre de management qui s'appelait « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et en fait, j'ai mis sur le papier quelque chose que j'ai constaté quand j'étais moi-même manager pendant plus de 20 ans. Je pensais que c'était naturel, la bienveillance, c'est mettre l'humain au cœur de tout. Et un manager bienveillant, c'est quelqu'un qui applique une règle toute bête, ne jamais faire à un de ses collaborateurs ou une de ses collaboratrices quelque chose qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. Pas hurler, pas envoyer des mails la nuit, pas mettre de pression, savoir faire du feedback positif et négatif. Enfin bref, faire en sorte que ces équipes ne viennent pas travailler avec la boule au ventre. Je crois pas en grande théorie du tout. Je crois qu'il est nécessaire de revenir au bon vieux sens paysan. En France, on a découvert la qualité de vie au travail en 2008. 2008, vague de suicide chez Renault, chez France Télécom. Il a fallu que des gens s'immolent par le feu sur leur lieu de travail pour que les entreprises se disent « Oh bah tiens, le bien-être des salariés, c'est important ». Mais en 2008, la problématique, c'était important non pas pour le bien-être des salariés en tant que tel, mais en se disant « Oh, si quelqu'un s'immole par le feu chez moi, c'est pas bon pour l'image de marque ». Alors le feel-good management, c'est quoi exactement ? Oh, ça c'est un peu... C'est méchant comme question. Non, c'est un peu un concept que j'ai créé pour aller au-delà, parce que c'est la bienveillance, il y a plein de gens qui disent c'est galvaudé, c'est à la mode. À l'époque où j'ai créé le concept de management bienveillant, ça n'existait pas. Moi, je fais partie de la génération des gens qui ont commencé à travailler au siècle dernier, et il était de bon ton d'être dur, de pas avoir d'émotion, d'être limite robotique. Donc on disait c'est bisounours ton truc. Donc le feel-good management, c'est juste un autre mot que j'ai créé juste pour dire, c'est on se sent bien. Point. L'objectif, c'est il y a moyen de ne pas souffrir au travail, donc c'est feel good. Voilà. Mais c'est plus un concept marketing qu'un vrai concept intellectuel. Toutes ces logiques du bien-être, du bonheur, c'est aussi une manière de rendre opaque. C'est une manière qu'utilisent les directions pour rendre opaque cette contradiction. Entre d'un côté, allez-y, vous êtes merveilleux, donnez-vous à fond, montrez qui vous êtes dans votre travail. De l'autre côté, mais respectez les procédures. Eh bien, tout ça est caché, rendu invisible par cette espèce de politique de « on veut votre bonheur, on est là pour vous ». Vous avez un problème, on a tout ce qu'il faut. On a des numéros de psychanalystes, on fait des séances de méditation, on vous fait masser, on vous donne la possibilité de faire du yoga, de vous détendre. S'il y a le moindre problème, on est là pour vous. Et du coup, ces tensions extrêmement fortes entre la sollicitation de l'ego et l'impossibilité de s'affirmer dans un travail prédéterminé par d'autres, elles n'apparaissent pas, les gens ne s'y retrouvent plus, ils ont l'impression d'être bien traités, d'être chouchoutés, d'être câlinés même par leur direction. Et ça crée une espèce d'incompréhension qui est vécue personnellement, individuellement par chacun. Donc la résistance, l'opposition, la contestation, la critique n'ont pas beaucoup de possibilités dans ce cadre-là. Bonjour. Bonjour. On cherche Devryware. Ouais. Tu les accompagnes? Oui. Vous allez au deuxième, je suppose. Bon, je suppose. Je vais avoir un débris, ouais. Oui. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Montmartin, c'est vous? Ouais, exactement. Montmartin, voilà. En partie. Je voulais vous présenter Animouz au sein d'Everywhere. C'est avec moi qu'on va faire... qualité de vie au travail. Voilà, exactement. Oui, parce que c'est vrai que on parle souvent avec par acronyme, mais ça veut dire quelque chose pour nous. Voilà. C'est tout récent, la QVT chez Everywhere. Donc on va dire déjà les objectifs premiers, c'était surtout rassembler les collaborateurs, fédérer, améliorer le climat social, enfin tout ce qui est un peu logique maintenant quand on crée une démarche de QVT. Mais quand j'ai mis en place différentes offres, du sport, du coaching, enfin tout ce qu'on peut connaître de la QVT, mais en fait ça ne s'arrête pas là, la QVT. Et on a remarqué par exemple que ça nous aidait beaucoup lors de recrutement. C'est un critère de sélection pour les futurs talents. Maintenant, ils demandent. C'est vraiment un critère de sélection maintenant pour le choix des sociétés. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment qu'on élargisse notre offre. Et c'est vrai qu'avec Montmartin, il me manquait cette partie de santé au travail que je n'avais pas dans mon offre d'Everywhere. Et c'est pour ça, justement, que je les ai contactés. Il faut savoir que dans certaines entreprises aujourd'hui, on a des managers opérationnels qui ont une part de leurs revenus indexée sur la satisfaction de leurs collaborateurs au travail. Jean-Christophe Vuatou, enseignant-chercheur. Il faut imaginer qu'ils ont tout intérêt à ce que leurs équipes répondent positivement à des enquêtes de satisfaction au travail, parce qu'eux-mêmes, ils ont un intérêt qui est financier. Donc ce règne de la notation qui s'est installé dans la consommation, sur les plateformes, dans les travaux ubérisés, s'installe aussi dans la satisfaction salariée. Oui, c'est ça. C'est le principe d'évaluer tout le monde de 1 étoile à 5 étoiles sur un seul indicateur agrégé dans lequel on pourrait représenter toutes les dimensions de la satisfaction au travail se généralise. Il y a plusieurs indicateurs qui sont aussi bien internes qu'on peut mener dans l'entreprise que même externes. Vous pouvez être évalué par des organismes externes qui auraient sondé des anciens salariés, des clients. C'est très proche de ces approches d'avis consommateurs aujourd'hui. Oui. Alors, ces indicateurs de bien-être au travail, qu'on regroupe sous la label QVT, sont venus progressivement remplacer les approches plus délétères qui étaient celles de la mauvaise santé au travail. On avait parlé des RPS, risques psychosociaux. Et avant, on parlait plutôt de souffrance au travail. Et on a fait un amalgame progressif de tout un ensemble d'éléments en partant de l'idée que ça pouvait se compenser. C'est-à-dire que les sources de bien-être pouvaient compenser les sources de mal-être au travail. On n'a jamais prouvé que le fait de faire une partie de baby-foot avec son directeur allait compenser le fait qu'il vous ait engueulé quelques heures avant. Et agréger tout ça autour d'une seule et même mesure, ça n'a pas vraiment de sens à l'arrivée. Selon les items qui sont retenus, on apporte des réponses qui sont peut-être plus génériques. Et puis après, ça peut être aussi sur le choix des personnes qui sont interrogées. C'est-à-dire, on peut faire un tri dans l'organisation parce qu'on va étudier uniquement la satisfaction d'une certaine population. C'est le cas d'une entreprise bien classée, dont on avait sondé que les personnes de bureau et pas les personnes de terrain. Pour ne pas la citer, oui, exactement. Ça n'a pas vraiment de sens donc pour le chercheur que vous êtes spécialiste des questions de management, mais pour autant, dans la communication d'entreprise, ça semble fondamental. À partir du moment où on trouve un indicateur qui a une certaine crédibilité ou légitimité sur laquelle on peut communiquer et qui valorise la marque, autant l'utiliser. On a un nombre d'entreprises important qui se retrouve labellisé Great Place to Work, et donc à partir de là, enfin pour citer cet indicateur, mais il y en a d'autres également, elles acquièrent une certaine légitimité à pouvoir dire qu'elles sont des endroits où il fait bon vivre. Et on peut aussi faire un point sur la méthodologie, c'est-à-dire que ce sont les entreprises elles-mêmes qui passent les entretiens, les questionnaires de satisfaction. J'ai remarqué que justement la QVT ne s'arrêtait pas au milieu professionnel, qu'on avait aussi des bienfaits sur le milieu personnel et que justement il fallait un bon équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Alors travailler à la qualité de vie au sens large du terme d'un salarié dans une entreprise, c'était encore le travail, notamment de la médecine du travail, des CHSCT, des syndicats. Qu'est-ce que vous venez apporter de plus ? Je pense que la différence, c'est que premièrement, je travaille avec eux. On travaille au même endroit. Faire intervenir une personne extérieure comme la médecine du travail, je pense que les collaborateurs ne se sentent pas proches et peut-être, entre guillemets, ne se confient pas. Je travaille avec eux, je connais la boîte, on vit les mêmes choses. Et souvent, moi, je construis l'offre avec eux. Je ne vais jamais décider à leur place. Donc, c'est en discutant avec eux, que ça soit autour de la machine à café ou même avec des questionnaires, que je construis mon offre, justement, QVT, et je réponds, en fait, à leurs besoins. Il y a une différence majeure, c'est que, par exemple, le médecin du travail, c'est un regard extérieur. Vous n'êtes pas un regard extérieur. Non, donc ça que quand ils me parlent, ils me disent « Oh, tu sais, Annie, ce serait bien qu'ici... » Je vais tout de suite comprendre. La médecine, elle ne connaît pas nos locaux, elle ne connaît pas nos dirigeants, elle ne connaît pas nos problèmes, elle ne connaît rien. Que moi, dès qu'ils vont me dire quelque chose, je vais tout de suite l'interpréter, je vais pouvoir le retranscrire, je vais tout de suite comprendre en fait leurs besoins. Oui, mais est-ce que justement ce regard extérieur, c'est-à-dire neutre, oui, n'est pas nécessaire? Parce que vous, votre poste ici, concrètement, c'est quoi? Je suis d'abord l'assistante de direction du directeur général et j'ai cette haute fonction qui est responsable de la qualité de vie au travail. Donc en position d'assistante de direction, pour les salariés, vous représentez clairement la direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, la notion de neutralité n'est pas présente. Il y a des moments où je vais répondre avec une stature de direction. Mais il y a un moment, je pourrais répondre avec une stature plus proche des candidats, de qualité de vie au travail. Et je pense que les collaborateurs ici savent faire la différence. Vous, vous êtes ? Donc moi, je suis le cofondateur de Montmartin. C'est quoi Montmartin ? Alors Montmartin, donc on est une start-up spécialiste de la prévention santé au travail. Donc on propose des programmes de formation et d'ateliers donc qui se déclinent en ateliers mensuels. Donc vous allez vivre aujourd'hui un atelier autour du sommeil avec donc une experte naturopathe qui s'appelle Aurélie. Donc après, on construit un programme à l'année avec nos clients et qui vont se décliner en général en une dizaine de sujets à l'année. La première conviction de Montmartin, c'était de dire finalement quel est le meilleur endroit que l'entreprise pour prendre soin de soi, hein, parce qu'on y est quand même maintenant une très forte partie de sa vie en tout cas. C'est vrai que le pourquoi de Montmartin, c'était ça. Et donc après, en deuxième point, c'est de dire qu'on va proposer vraiment une prestation sur mesure qui va s'adapter au métier, à la population et aux contraintes de l'entreprise. Donc on évoquait la médecine du travail. Est-ce que vous vous substituez à la médecine du travail ? On complète la médecine du travail. On travaille de plus en plus avec eux. Alors c'est vrai qu'on a des clients qui sont de taille peut-être supérieure en termes d'effectifs et donc ils ont déjà un médecin du travail qui fait partie de l'effectif. Donc il va lui-même quand même collecter les besoins de l'entreprise, mais sur lesquels il ne va pas être compétent parce qu'il ne va pas proposer des prestations de gestion du stress, de gestion des émotions, de gestion de sa nutrition comme on va le faire aujourd'hui. Donc il va être vraiment à la recherche de relais qui vont être vraiment focus sur cette thématique-là, quoi. Depuis la crise sanitaire, on s'est beaucoup rendu compte que la santé, finalement, peut être un petit peu mise à mal. Donc on a vu, nous, très très clairement depuis 2 ans que des entreprises qui considéraient pas forcément ça comme un sujet prioritaire, ont vraiment remis l'humain au cœur des problématiques. Nous aujourd'hui, après 5 ans d'activité, on travaille avec plus d'une cinquantaine d'entreprises, donc qui sont principalement des grands groupes. On fait aujourd'hui travailler plus de 100 experts santé, plus ces 3 métiers phares, il y a des sophrologues, il y a des naturopathes dont fait partie Aurélie, et on a des ostéopathes donc, qui sont tous formateurs autour de la prévention santé. Combien ça coûte à Deriware de vous accueillir aujourd'hui? Ouh là là, question piège. Je vois pas le piège. On est entre 10 000 et 100 000 euros l'année, en fonction de la taille de l'entreprise. On va dire que nous, depuis le Covid, là, on a multiplié par 10 l'activité. Donc c'est une croissance exponentielle depuis vraiment 3 ans. Et le Covid a complètement bouleversé et exacerbé ça. Donc la santé au travail, le corps au travail, c'est un gros marché. Tout à fait. Vous savez, c'est une constante, je dirais, dans la stratégie patronale, parce que si on fait un retour en arrière du temps de Henry Ford, lorsqu'il a installé les chaînes de production, les premières dans ses entreprises, il avait mis sur pied un corps de sorte d'inspecteur qui allait au domicile privé des ouvriers pour leur donner des conseils, et enfin surtout de donner des conseils à leur épouse pour avoir un hébergement sain, bien ventilé, et on proposait des menus pour chaque jour de la semaine, de manière à ce que l'ouvrier soit bien nourri, sainement. Donc il y avait déjà cette idée que pour que l'ouvrier soit efficace, pour que le salarié soit efficace à son travail, il faut prendre soin de la manière dont il vit, comment il dort, comment il mange, etc., etc. Moi, il me semble qu'il ne faut pas oublier que ces pratiques de développement personnel, hein, qui soutiennent le bien-être, le bonheur au travail, elles répondent d'abord à des préoccupations gestionnaires, managériales, en particulier celle de réformer les dispositions ou les compétences des salariés pour répondre aux nouvelles exigences du capitalisme. On est aujourd'hui dans une société de services avec une dimension de communication très importante. Les travaux montrent qu'il y a une intensification du travail, qui crée du stress, des tensions interpersonnelles, mais qui crée aussi des troubles musculo-squelettiques. On demande aux salariés d'avoir des capacités d'endurance physique et psychique pour tenir. Ça représente un coût pour l'employeur, tous ces risques psychosociaux. Voilà, l'absentéisme, les maladies, voire les suicides sur les lieux de travail, le turnover important. C'est pour ça que sont mises en place les politiques de prévention de ces risques-là. Et puis, ça représente aussi un risque pour l'employeur, puisque ces troubles psychiques engagent pénalement la responsabilité de l'employeur, parce que depuis la reconnaissance des risques psychosociaux comme faisant partie des risques professionnels, l'employeur est mis face à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. C'est dans le Code du travail. Alors je me présente, je suis Aurélie, je suis praticienne en naturopathie et également praticienne en hypnose, donc j'exerce dans les Yvelines et également bah voilà, depuis maintenant presque un an je suis experte à Montmartin et j'anime des ateliers, que ça soit en alimentation, naturopathie ou aussi des séances d'hypnorelaxation en entreprise. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sentent qu'ils ont un sommeil vraiment réparateur, c'est-à-dire qu'ils ont leur quota de sommeil qui leur font, on verra que tout le monde est différent en fait, hein. Tout le monde n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil et qu'ils se réveillent bon pied bon oeil. Non ? D'accord, bah vous allez voir, pendant cet atelier, vous allez pouvoir apprendre les petits tips, en fait, les astuces justement pour améliorer votre sommeil. Alors par contre, qui a mangé avant de venir ? Ah bah voilà. Eh bien, ça va être double challenge pour moi, parce que là, vous êtes donc en digestion, donc toute votre énergie, en fait, est portée sur vos intestins, ce qui fait que, bah, généralement, on a le petit coup de barre, hein, voilà, quand on a bien mangé. Donc, moi, j'ai un double challenge aujourd'hui, c'est de vous garder éveillé pendant que je vous parle de sommeil. Je vais vous demander, en fait, pendant toute la première partie de la présentation, qui est quand même, somme toute, assez théorique, eh bien, de rester concentré sur ma voix et de vraiment mettre cette énergie que vous avez là pour l'instant au niveau des intestins, de faire venir cette énergie pour qu'elle soit au niveau du cerveau pour vous permettre d'être concentré tout le long de cette présentation. Donc voilà, cet atelier donc, vous est proposé par Montmartin et il s'appelle le sommeil, l'atout, vitalité. Donc le rythme circadien et pression de sommeil. Il y a les séances de naturopathie où on se préoccupe du poids des personnes, de leur tension. On va de manière très intrusive dans leur corps pour communiquer ce qu'il faut faire, comment ils devraient bien se sentir. Et de la même manière qu'on organise même, on va jusqu'à organiser des prises d'otages, simuler des prises d'otages pour montrer jusqu'où les salariés doivent être conscients de ce que leur corps, leur âme, leurs tripes sont embarqués dans cette aventure qu'est le travail moderne dans l'entreprise. Alors, il y a eu des prises d'otages. Je me rappelle avoir lu un article dans la presse où débarquaient des gens avec des fusils ou des mitraillettes, je ne sais plus, et qui mettaient des cagoules sur la tête des salariés qui étaient en séminaire, les plaquaient au sol, et une femme qui était claustrophobe a fait une crise, et donc un des preneurs d'otages l'a sortie, et elle a dit qu'elle était persuadée qu'il allait lui mettre une balle dans la tête dehors. Donc vraiment des choses extrêmement dérangeantes qui peuvent créer de réels traumatismes, mais l'idée, c'est ça. Le travail, maintenant, modernisé, ça prend tout de l'individu. Est-ce que vous savez pourquoi on rêve et à quoi ça sert ? Non, parce qu'on fait des rêves vraiment très très bizarres parfois quand même. On se réveille, on fait « mais ça va pas là-dedans » Eh bien, en fait, le rêve, ça permet de libérer vos émotions. Tout ce que vous n'avez pas pu exprimer pendant la journée qui se rejoue la nuit. Et là, par contre, dans votre rêve, vous êtes libre de tuer votre patron, vous êtes libre d'aller voir votre belle-mère et de lui dire ces quatre vérités. Il n'y a pas de souci parce que là, les émotions s'expriment. Quand on arrive à exprimer ses émotions durant un rêve, et ben ces émotions seront beaucoup moins intenses le jour d'après. Donc le sommeil paradoxal a vraiment cette fonction d'être comme un régulateur émotionnel. Au fond, toutes ces formations aussi permettent de ne pas changer les finalités et l'organisation du travail. Hélène Stevens. Il s'agit bien de plutôt changer les individus pour qu'ils s'adaptent, qu'ils s'ajustent à ces conditions de travail. Donc on ne va pas jouer sur les causes structurelles qui produisent du stress ou du harcèlement moral ou des tensions interpersonnelles. On va demander aux individus de suivre un stage de sophrologie ou différents stages de lutte contre le stress. Là, encore une fois, on ne change pas l'organisation, on ne change pas les finalités du travail, mais on change plutôt les individus pour qu'ils s'adaptent. Si ça se diffuse, il faut bien reconnaître c'est que ça a un certain succès. Et d'une certaine manière, ça marche. Ça marche parce que ça apporte de la satisfaction la plupart du temps aux participants de ces stages. Quand on les rencontre, ce qui était le cas dans le cadre d'enquête que j'ai faite, on voit une immédiate satisfaction. Ça permet de prendre du recul par rapport à la situation de travail, ça permet de trouver des petites techniques pour supporter une pression momentanément, ça permet aussi de se sentir un peu réparé dans des blessures psychologiques, pris en compte, écouter. Ça permet aussi de réinterpréter des situations de travail pour leur donner un nouveau sens. L'intérêt peut-être d'aller voir, comme j'essaie de le faire, des salariés de manière longitudinale, c'est-à-dire les suivre aussi plusieurs mois après ces formations-là, c'est qu'au fond, leur satisfaction, elle est souvent de courte durée. Ils se retrouvent à nouveau dans des situations de travail, de retour dans leur situation de travail, après cette petite bulle où on s'est un peu décalé, où on a pris soin de soi, on a initié, où on a entretenu des réflexions personnelles, d'expression de soi, de ses sentiments, et qui peuvent toucher, pour lesquels certaines personnes peuvent être tout à fait disposées et aimer ce type de travail. Malgré tout, de retour en situation de travail, elles font toujours face à une charge de travail importante, à des demandes de mobilité, à des pressions sur le temps de travail, sur les situations d'urgence, qui font qu'elles voient bien une forme aussi parfois de décalage entre le discours, les offres de formation qu'on leur fait et au fond des situations de travail qui changent guère et qui sont toujours aussi pathogènes pour certains d'entre elles. Donc il peut arriver qu'on ait des équipes qui soient surchargées, ça arrive, mais pour autant on ne le retrouve pas forcément dans les indicateurs classiques. Donc comme on ne le retrouvait pas dans les indicateurs classiques, on a mis en place des dispositifs qui permettent de essayer de faire en sorte que les gens se libèrent en parole, en fait. Donc, puissent se libérer et dire, ben là, moi, je suis surchargé, moi, en ce moment, ça va pas, etc. Et donc, on a mis en place un écosystème autour des salariés, qui va être composé donc de psychologues externes, mais qui est composé aussi de collègues qu'on a formés en interne, qui font partie d'un réseau de prévention. Et qui nous permettent d'avoir des gens qui sont à l'écoute, c'est pas des médecins, c'est des salariés comme vous et moi, qui sont formés à l'écoute en fait, et à écouter des salariés, leur dire, bah là moi je me sens pas bien en ce moment, pour telle et telle raison, je suis stressée. Et souvent le stress est multicausal, donc le travail crée du stress, la vie privée peut créer du stress. Et donc le fait qu'on ait des salariés formés pour être à l'écoute et qui sont comme un réseau interne, permet à nos salariés de parler et de récupérer de l'info. Et voilà, on essaye d'ouvrir aussi la parole pour faire entendre à nos collaborateurs qu'en fait c'est important de dire quand on va pas bien, de façon à ce qu'on puisse se trouver en face de quoi vous aider. Alors là, on est au cœur du programme Be Well, Work Well. Voilà, on est au cœur, on est en plein dedans là. Il faut savoir que pour ce qui touche la santé au travail, Jean-Christophe Vuatou, on voit les effets délétères sur les personnes, c'est-à-dire évidemment on a l'exemple de la vague des suicides qui était très médiatisée il y a un peu plus de 10 ans maintenant dans quelques grandes entreprises françaises, mais ça cache toutes les personnes qui sont en souffrance. Et à partir du moment où on fait le choix de l'identification des problèmes en partant des individus, on ne repère que ceux pour lesquels les problèmes sont avérés. Il y a même des études qui montrent que les salariés sont très mauvais comptables de leur santé mentale. Donc à partir de là, ils refusent de montrer le fait qu'ils soient en souffrance, pour des questions de loyauté, d'engagement dans l'entreprise. Donc on ne peut pas vraiment partir du point final, du problème, pour essayer de déterminer les actions à mener. Il faut comprendre que si on considère que c'est un point de vue individuel, effectivement, c'est ce qu'on fait en général, on parle de l'individu, mais si le problème est plutôt de nature organisationnelle, la façon dont on a pensé le travail, Eh bien, à partir de là, on peut regarder qu'est-ce qui crée le risque, qu'est-ce qui crée la violence, qu'est-ce qui crée l'épuisement dans l'entreprise, si on parle des risques psychosociaux. Et donc, à partir de là, on s'intéresse aux facteurs de risque. Et ce sont généralement les conditions d'emploi, les perspectives d'avenir, le climat social, le fait d'avoir des problèmes éthiques avec le travail qu'on est amené à réaliser, et tout un ensemble de critères qui, eux, ne sont pas du tout du ressort du salarié. Et le fait de centrer les actions plutôt sur le bout de l'échelle, c'est-à-dire sur la dernière étape, sur la souffrance au travail que les personnes peuvent ressentir, eh bien, ça permet d'éviter de remettre en cause le fonctionnement de l'organisation. À partir du moment où on s'intéresse aux risques et même aux facteurs de risque, on est obligé de repenser le travail, son organisation, son articulation, les relations interindividuelles. Si je dois l'illustrer, je donnerai un seul exemple. Quand vous avez des objectifs individuels pour des personnes qui sont censées travailler en équipe, fatalement, on crée de la tension entre les collègues, on peut créer des formes d'agression inter-individuelle, mais sont-ce les individus qui sont violents les uns vis-à-vis des autres ou est-ce l'organisation du travail qui crée cette violence ? Il s'agit beaucoup de techniques qui visent à, en douceur, recadrer des expressions qui pourraient être des expressions critiques à l'égard du travail ou des expressions d'insatisfaction et d'essayer d'aider les salariés à les reformuler de manière plus positive et de manière plus coopérative. Donc, c'est un des enjeux de pacification des rapports de travail. Sauf que ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pu observer, par exemple, dans une session de développement personnel, un certain nombre de salariés d'une même entreprise qui exprimaient des souffrances liées à leur travail, hein, liées à des restructurations, des mobilités imposées, liées à des chefs autoritaires. Et à la suite d'un certain nombre de récits qui, au fond, s'encourageaient les uns les autres, hein, ça a été un espace de parole important, il y a eu une sorte d'inversion du stigmate, c'est-à-dire que tous ces salariés dont on disait qu'ils n'étaient pas assez mobiles, qu'il fallait qu'ils aillent faire un stage de développement personnel pour être plus dynamiques, plus en forme, savoir surmonter les difficultés au travail, se sont mis à accuser l'entreprise en fait de maltraitance et un début d'expression critique de l'entreprise à laquelle ils appartenaient, de l'organisation du travail, des pressions managériales, a pu s'exprimer. Et c'est vrai que dans cette situation, ce que j'ai pu observer, c'est que le rôle du consultant a été de recadrer cette expression, hein, et d'essayer de l'euphémiser, de la calmer et de la réorienter vers des aspects plus positifs sur l'engagement du travail. Il pourrait y avoir ce qu'on appelle une sorte d'injonction comportementale. À partir du moment où on vous fait des formations en interne pour la communication non violente, pour apprendre à gérer son temps de travail, pour apprendre à se reposer en sophrologie, en yoga, etc., vous êtes censé adopter un comportement adéquat dans l'organisation. Donc vous n'avez plus forcément le droit de vous exprimer en tant que travailleur, votre énervement, votre colère, parce que ça fait plus partie forcément du cadre de travail. Et donc, vous avez presque l'obligation de déclarer que tout va bien, Madame la Marquise, dans le paysage dessiné du travail idéalisé, on a quelque chose qui tourne. Mais c'est pas le cas, on sait très bien, aujourd'hui, il y a une expression qui est intéressante, on dit « il faut sortir de sa zone de confort ». Être dans une remise en cause permanente, comme si le fait d'être dans une étape où on serait en sorte de sérénité au travail devenait quelque chose de négatif. Et à partir de ces remises en cause perpétuelles, on crée ces tensions. Mais vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Ce qui rajoute de la souffrance à la souffrance. Babyfoot, on en retrouve dans pas mal d'entreprises maintenant, mais disons que là c'est un espace café convivial, on va le trouver le même dans tous les étages en fait, et ça permet de manière assez classique aux salariés de se retrouver, de boire un petit café, de discuter entre eux. Plus intéressant je trouve, si on avance un peu, donc depuis 4 ans, on est en bureau flexible. comme on a des personnes qui ne sont pas sédentaires, on était déjà en organisation assez flexible du travail, et donc on a la possibilité de stocker ses affaires ici dans des box en fait. Et donc vous voyez les petits signaux, quand c'est occupé c'est rouge, quand c'est disponible c'est vert, et donc chacun peut y stocker. Par exemple, je sais que je suis là demain matin, je mets mon PC dedans et je m'en vais sans transporter quoi que ce soit, malgré le fait qu'on soit en bureau flexible. Et ensuite, donc, vous avez tout un tas d'espaces qui sont adaptés aux différents cas d'usage qu'on peut avoir dans une entreprise. Ici, par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle des cabines téléphoniques, c'est-à-dire que je vais m'isoler, bon, en général pour téléphoner. Ensuite, vous avez des espaces comme ça, de petits bureaux, où on peut se réunir à 2-3 personnes, qui sont des bureaux réservables, ceux-là. Donc, j'ai une réunion qui dure 2 heures, on scanne le QR code et puis on réserve son espace. Alors là, on voit des gens travailler. Quels sont les métiers des gens qu'on voit ici? Là, on va avoir... Alors là, vous avez différents métiers. À l'étage ici, vous avez les métiers du conseil. Donc là, vous êtes typiquement dans ce qu'on appelle un open space, mais vous remarquez qu'on a plutôt essayé de privilégier la modularité de nos espaces ouverts. Donc vous avez des bureaux hauts. Ça, c'est très très bien. Ça, on reparle de santé. Lutte contre les troubles musculo-squelettiques, ça, c'est très bien parce que les bureaux hauts, il est vraiment prouvé que ça fait beaucoup de bien et dans la lutte contre la sédentarité, ce pourquoi on essaye d'agir régulièrement. Voilà, là, on va avoir, par exemple, 6 personnes sur un même bloc, comme 3, comme un peu plus loin, je crois qu'il y en a un petit peu plus. Mais voilà, c'est très très variable, ce qui permet d'avoir des espaces qui évitent cet aspect très linéaire des open space, et c'est entrecoupé d'un espace qui est vraiment ouvert, hein, semi-ouvert ici, donc avec une petite table ronde, des canapés, des tabourets, et là ça permet de se faire une petite réunion spot, un quart d'heure. Alors, finalement, ça nécessite qu'on évite de parler fort et qu'on ne téléphone pas. Mais là, quand on est assis là, en fait, voilà, on a des parois, c'est comme des fauteuils hauts pour décrire ce que c'est, et donc c'est des parois qui absorbent le bruit et qui permettent de se réunir de façon un peu ad hoc, sans déranger ses voisins. Puisqu'on parle du corps au travail, les open space, ce sont des modes d'organisation, évidemment, de l'espace et des postes de travail, mais aussi de disciplinarisation des corps de cadres et d'ingénieurs. Daniel Linhart. Parce que la problématique managériale, c'est en réalité de faire en sorte que ces cadres et ces ingénieurs qui deviennent de plus en plus nombreux ne se considèrent pas pour ce qu'ils étaient il y a 30 ou 40 ans, c'est-à-dire un salariat de confiance, qui était traité avec du ménagement et des privilèges, qui avait des passe-droits, qui était... Voilà. Il faut désormais que les ingénieurs et les cadres, aussi professionnels et bien formés qu'ils soient, se considèrent pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des salariés liés par un lien de subordination à leur direction. Et substituables les uns aux autres. Et substituables absolument les uns aux autres pour pouvoir travailler de cette façon abstraite et véhiculée par des logiciels qui reprennent les prescriptions pensées par d'autres. Et donc, il y a, à travers la mise et la diffusion des open space, une volonté de discipliner les corps comme l'ont été les ouvriers dans les grands ateliers ou sur les chaînes de fabrication. Il y a nécessairement, quand vous êtes dans un open space, cette prise de conscience que vous n'êtes qu'un parmi d'autres. Et donc, ces open space sont des lieux qui ne sont pas faciles à vivre, où chacun est confiné à un poste de travail, c'est-à-dire face à son écran, il a une chaise, il a quelque chose qui n'est absolument pas personnalisé, et effectivement il peut prendre l'impression d'être dans un atelier, parce que souvent quand on fait les interviews, les salariés disent ils sont des fois dérangés, notamment évidemment par les bruits, par les coups de téléphone, mais aussi par les odeurs, par les parfums, ils sont pas à l'aise, et l'idée c'est effectivement qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans l'entreprise, qu'ils ne se sentent pas chez eux. Et là vous avez la boîte l'espace ultime de l'isolement. Chez nous, on n'a plus de téléphone, puisqu'on téléphone avec son ordinateur ou son smartphone. Et donc, on n'a pas besoin du téléphone dans la cabine téléphonique, mais la cabine modernisée, parce qu'elle a quand même des lignes moins vintage, on va dire, que les anciennes cabines, elle existe encore et elle permet vraiment d'être complètement isolée. Et là, pour le coup, contrairement à ces espaces-là, de téléphoner sans avoir peur de déranger ses voisins, parce qu'on sait que quand on téléphone, on parle toujours plus fort. Il ne faut pas être claustrophobe, hein, quand même. Hein. Non, et c'est pas fait pour y rester toute la journée. Oui. Je précise que la petite cabine téléphonique, c'est fait pour téléphoner, puis on en sort et on repart à son poste de travail. Il y a une ventilation, entendu. Et en général, on n'en sort pas bleu. Non, exactement. D'avoir respiré que du CO2. On va de plus en plus vers les flex office, c'est-à-dire maintenant, comme il y aura des gens qui vont travailler une partie de leur temps en télétravail, il n'y aura pas toujours le même nombre de salariés sur place, et donc les directions prévoient de faire des économies de mètres carrés en diminuant le nombre de postes de travail, et ça s'appelle flex office, c'est-à-dire que vous êtes obligé, si vous voulez venir dans votre entreprise, de passer un coup de téléphone ou de passer un email avant pour demander s'il y a une place pour vous, réserver une place. Plus personne n'a de bureau attitré depuis qu'on a mis en place cette nouvelle organisation de nos bureaux. Donc si je veux un bureau pour une raison qui me concerne, en fait, je réserve ce bureau. Voilà. La petite plante, le cadre de la famille, la photo. Alors la photo maintenant, je vais vous apprendre une astuce. On peut mettre une photo en fond d'écran de manière à toujours avoir sa famille ou son chien sur son téléphone portable. Donc c'est ce qu'on propose de faire. Moi j'ai ma fille sur mon téléphone portable. Je transporte mon cadre photo avec moi. Quand on s'en va, on laisse le bureau propre de tout document personnel. Donc, plus aucune personnalisation, évidemment. Enfin, sur le fait de ne pas avoir de bureau attitré, on y a gagné une certaine forme de proximité entre les équipes et leur management. Voilà. Et ça réduit les distances hiérarchiques, ça réduit un certain nombre de... Voilà, c'est pas le chef dans son bureau et salarié en open space. Là, tout le monde est susceptible de pouvoir réserver des bureaux, de pouvoir être dans l'open space. Et donc, ça réduit ces distances hiérarchiques et ça simplifie la communication entre ces strates de management et de collaborateurs. Vous n'avez pas de bureau ? Non. Ça vous manque pas ? Non. Comme ça, on sait pas où je suis. Et je vous pose une dernière question. Au fond... Le bien-être au travail, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas se réjouir ? Est-ce qu'il faut tout jeter de tout ça ? Alors, moi, ce serait merveilleux tout ça. Toutes ces séances seraient merveilleuses. Massage, yoga, méditation. Moi, je trouverais ça absolument fantastique. Si c'était pour accompagner un travail qui, en lui-même, est source de sérénité, de bonheur. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas un travail imposé, conçu, planifié par d'autres... qui montre un irrespect total de la professionnalité de celui qui exerce l'activité pensée par d'autres. Tout ce qu'on décrit, le bien-être au travail, la prise en compte des besoins physiques, de distraction au travail, ce serait une bénédiction si vraiment le travail était respectueux de la professionnalité des salariés et si on sortait de cette logique de subordination qui empêche le salarié de faire la moindre critique et de dire « voilà, je considère que, vu la mission que j'ai, il me faudrait tel et tel moyen à disposition, il faudrait revoir les délais, il faudrait... » S'il y avait la possibilité pour le salarié d'influer sur la manière de travailler, mais de façon responsable, de façon professionnelle, en fonction de la finalité sociale de ce qu'il doit produire, là, ça me semblerait être cohérent. Ce qui n'est pas le cas quand on fractionne, quand on taylorise, quand on prolétarise le salarié. Non, ça n'est pas le cas parce que les salariés sont contraints par des modes de travail qui les mettent en ce qu'on appelle les conflits éthiques. C'est-à-dire qu'ils sont parfois obligés de travailler en contradiction avec les règles du métier, avec leurs valeurs professionnelles, avec même leurs valeurs citoyennes, de ne pas faire du beau boulot qui puisse être véritablement utile aux gens. Et ils sont obligés de le faire parce qu'ils sont inscrits dans une logique de subordination qui les oblige à l'obéissance. Ça veut dire aussi peut-être de remettre le capital à sa place. Le capital apporte de l'argent nécessaire, mais il faut qu'il soit soumis à des impératifs d'ordre sociaux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être à l'origine de situations de travail délétères, dangereuses pour les travailleurs, comme il ne peut pas être non plus à l'origine de situations dangereuses et délétères pour les ressources de notre planète. Donc il faut effectivement que le capital soit, lui, encadré par des limites liées à ce que sont nos contraintes sociales, parce que nous sommes des êtres sociaux, et aussi à la réalité écologique de notre planète. Il faut arrêter de dire que c'est le salarié qui doit être enquisté en permanence dans des contraintes, des paramètres anesthésiants via des logiciels. Il faut libérer plus le professionnel, mais il faut aussi limiter le capital par des préoccupations qui sont vitales pour notre société et pour notre avenir. la cadence pour se défoncer. La cadence pour pas rigoler. La cadence jusqu'à en crever. La cadence. Productivité. Moi je viens d'avoir 18 ans. La cadence, je la connais, mais plutôt celle pour jerker. Quant à celle de l'atelier, elle m'ôte toute force pour danser. Le dimanche, ça n'est plus fait que pour souffler, récupérer. Certains me disent qu'à mon âge, les vieux jours, faut pas y penser. Je me demande cependant si de cette vie cadencée, les vieux jours pourront arriver. La cadence. Merci à Daniel Linhart, Valérie Vézinet, Hélène Stevens, Jean-Christophe Huatou, Camille Parouteau, Annie Moods, Aurélie Guyot, Gaël Châtelain-Berry. La cadence. Productivité. Je viens d'avoir 45 ans. Quand les machines sont arrivées, les grosses machines du progrès, on a bien cru pouvoir souffler. Faire en 2 heures la journée, avoir une vie décadencée. Mais le patron a sourcillé, il faut vite rentabiliser. Et les cadences ont augmenté. Et il a même licencié, ses bénéfices ont grimpé. Mais mon salaire n'a pas changé. Coordination Perrine Carvan et Marie-Yvonne Abonnier. Documentation musicale Virginie Gresset. Mixage Manuel Couturier. Un documentaire de Rémi Dubowski-Douat, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Productivité. Moi j'ai atteint la soixantaine. Toute ma force je l'ai donnée à un patron prêt à juger qu'il ne peut plus m'utiliser. Aussi il m'a rétrogradé. Mon salaire en a diminué. Mais je vais être décoré pour 50 ans de loyauté. Je suis foutu, usé, crevé. Tout juste au chien bon à jeter. Et comme beaucoup de mes aînés, la retraite je ne la verrai. La cadence, faudra la casser pour qu'enfin la retraite à 60 ans, on puisse en profiter.